Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Morning Bisoy de ce lundi 27 avril 2026. Il est 7h, nouvelle semaine, nouveau départ, mais toujours la même mission, te réveiller avec du bon son et de bonnes vibes. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes et ça commence maintenant. Et on démarre avec un titre qui sent bon le groove et la confiance, 24K Magic de Bruno Mars. C'est tout de suite sur Bisoy, bon réveil. Dans ce morceau 24K Magic est en mode showman total. Ce morceau est pensé comme une ouverture de concert. Tout est fait pour capter l'attention dès les premières secondes. Résultat, c'est parfait pour lancer un lundi. Ça aurait pu être le cas également pour son célèbre morceau Treasure que je t'ai déjà passé dans ce morning, mais j'avais envie de te passer un autre morceau de Bruno Mars ce matin, tout aussi motivant, tout aussi qui donne la pêche, voilà, cette phrase n'est pas très française, mais t'as compris l'idée. Et pour la petite minute de curiosité du jour, le lundi, hein, donc comme aujourd'hui, le cerveau a tendance à vouloir tout gérer d'un coup. C'est une mauvaise idée, hein, tu t'en doutes. Les études montrent qu'on est plus efficace en choisissant seulement 3 priorités maximum dans la journée. Le reste, c'est que du bonus. Allez, on continue avec une montée en puissance émotionnelle. A sky full of stars, un ciel plein d'étoiles de Coldplay. C'est tout de suite sur Bisoy. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Ce titre est un morceau produit avec Avicii, ce qui explique cette touche électro inattendue chez Coldplay, eux qui d'ordinaire sont plutôt pop voire pop rock. C'est un mélange qui fonctionne parfaitement pour donner de l'élan. Passons maintenant au bon plan culture en France avec un événement qui a lieu jusqu'au 4 mai. Prochain, tu pourras te rendre du côté de Nice pour aller faire un tour au In and Out Festival. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un festival du film queer, hein. Oui, ça existe. Comme dans tous les festivals du film, tu pourras y retrouver différentes projections de différents films avec, pour point commun, le côté queer. Par exemple, aujourd'hui, 3 films seront diffusés : Mas Palomas, À Voix Basse est Peter's Weeper's Day. Donc si tu aimes ce type de film, ou alors si tu es curieux, ou encore si tu te considères comme étant toi-même queer, ce festival est fait pour toi, et donc si tu es pas loin de Nice, eh bien n'hésite pas à t'y rendre si tu en as l'occasion. Je t'invite d'ailleurs à regarder sur ton moteur de recherche favori afin d'avoir plus amples informations, en sachant que, je te le rappelle, ce festival a lieu jusqu'au 4 mai, donc d'autres films seront diffusés jusqu'au 4 mai. Ou alors, si tu préfères la musique hip-hop, je t'informe, si tu ne le savais pas déjà, que le festival Oura est toujours d'actualité, et ce jusqu'au 30 avril, hein, il reste encore quelques jours, hein, c'est jusqu'à ce jeudi. Ça se passe en Corrèze, à Égletons plus précisément, hein, pour te donner davantage d'infos. Le Oura Festival est donc un festival de hip-hop et de culture urbaine qui se déploie dans plusieurs villes de Corrèze, dont Égletons. C'est pourquoi je t'en parle ce matin. Organisé par l'association des Lendemains qui chantent, le festival propose des concerts de rap, des battles de breakdance, des ateliers de graffiti, des initiations à la production musicale et des dispositifs de découverte artistique. Ce n'est pas très la couleur Bisoy, mais ça méritait que je t'en parle quand même. Tu dois également savoir que Oura défend une vision inclusive et participative des cultures urbaines, favorisant l'émergence de jeunes talents et le partage entre artistes confirmés et publics de tous les horizons, en milieu rural comme en ville. Donc si tu kiffes ce milieu et que tu es dans le coin, n'hésite pas à t'y rendre, je suis à peu près sûr que tu passeras un très bon moment. On garde l'énergie avec Best Day of My Life, le meilleur jour de ma vie, de American Authors. C'est tout de suite sur Bisoy. Le titre que tu viens d'écouter, Best Day of My Life de American Authors, c'est un titre conçu pour être ultra positif, hein, tu l'as entendu. Il est souvent utilisé dans les pubs et dans les films pour son côté immédiatement motivant et si tu es du genre à regarder la télé, peut-être que tu as déjà entendu ce morceau dans un film ou dans une pub, voire dans plusieurs films ou dans plusieurs pubs. Et on termine ce morning avec l'horoscope Bisoy comme tous les jours. Et on commence par les béliers, démarre fort mais garde un peu d'énergie pour la suite. Taureau, avance tranquillement mais sûrement. Gémeaux, une bonne nouvelle peut arriver par surprise. Cancer, écoute ton intuition aujourd'hui. Lion, tu peux vraiment briller si tu restes naturel. Vierge, organisation égale tranquillité. Balance, privilégie les échanges sincères. Scorpion, une décision importante se prépare. Sagittaire, tu as envie de bouger et c'est une bonne idée. Capricorne, reste focus, ça paye. Verseau, une idée originale peut faire la différence aujourd'hui. Et enfin, Poisson, aujourd'hui sera une journée douce et une journée que tu pourras vivre à ton rythme. Voilà, c'était le Morning Bisoy de ce lundi 27 avril 2026. Merci d'avoir lancé la semaine avec nous et je te donne rendez-vous dès demain, dès 7h toujours, pour poursuivre la semaine ensemble. En attendant, reste connecté sur Bisoy, on te réserve encore plein de très belles choses, de la bonne musique, des émissions, tout pour passer des très bonnes journées. Et si tu veux toi aussi rejoindre l'aventure, n'hésite pas à nous laisser un message privé sur notre page Facebook. Comme ça, on pourra en discuter et on pourra voir ce qu'on pourra faire ensemble. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain, 7h. Salut et à demain !